l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. C'est une sorte de refrain que l'on entend dès qu'on aborde les mutations de la médecine et ses transformations pour le futur. D'une médecine curative collective, nous allons passer à une médecine prédictive individualisée. Au lieu d'attendre qu'une maladie se développe pour la soigner, il semble en effet plus astucieux d'anticiper l'apparition des pathologies pour les prévenir. Cette médecine prédictive est rendue possible par les progrès technologiques de l'intelligence artificielle, qui peut analyser des résultats et des données de façon plus précise et efficace que ne le ferait un être humain. Mais derrière cette nouvelle médecine se posent bien entendu des problèmes éthiques, économiques et politiques. Santé, les prédictions de Madame IA, c'est le programme informatique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre au développement et aux implications de cette médecine prédictive, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mme Christine Jolland, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INSERM au laboratoire d'informatique médicale et ingénierie des connaissances pour la e-santé. Et Xavier Tanier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, également au laboratoire informatique médicale d'ingénierie et de connaissances e-santé. C'est une émission en partenariat avec le magazine de l'INSERM qui titre ce mois-ci « Santé numérique ». Peut-on tout prédire ? Et j'ai donc le plaisir d'avoir à mes côtés mon camarade Yann Cornillier pour co-animer cette émission. Bonjour Yann. Bonjour. Mais on commence par celle qui prédit chaque jour le contenu exact de l'actualité scientifique dans ses moindres détails. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence à mieux comprendre pourquoi la xénotransplantation d'un cœur de cochon sur l'être humain a échoué. Des pistes sont avancées. Oui, en janvier dernier, pour la première fois de l'histoire, un homme de 57 ans a reçu un cœur de porc génétiquement modifié. Or, grâce à la technologie de CRISPR-Cas9, le porc donneur a été modifié pour supprimer 3 gènes porcins et pour exprimer 6 gènes humains. Ce qui a permis au patient d'éviter un rejet hyper aigu. Les premières semaines après l'opération, l'organe a bien fonctionné, le patient est même sorti de réanimation. Mais il y a eu une dégradation assez brutale de son état qui, sur le coup, n'a pas été comprise. 45 jours plus tard, le patient est décédé. La surveillance de ce tissu porcin n'a pas montré, jusqu'aux biopsies les plus tardives, de signes de rejet immunitaire. Alors pour le moment, il n'y a pas d'études publiées, ce ne sont que des hypothèses. Mais selon l'équipe des chirurgiens du Maryland, il s'agirait peut-être d'une infection virale porcine. Gilles Blanchot est chef du service néphrologie-immunologie clinique du CHU de Nantes et président de la Société française de transplantation. Il se trouve qu'a posteriori, on s'est rendu compte que ce patient avait exprimé une forte réplication d'un virus porcin qui n'avait pas été détecté initialement chez ce donneur. Une forte réplication d'un virus particulier qui s'appelle le cytomégalovirus, le CMV, qui a une capacité très cytotoxique, qui est capable d'attaquer les cellules et d'en faire une altération. Et il se trouve que c'est le virus porcin qui a non pas attaquer le patient, mais qui a attaqué le greffon porcin. Parce que c'est un virus qui est quiescent, caché dans l'organisme, à un stade de repos, et qui, à la faveur de baisse de l'immunosuppression, baisse de la défense immunitaire du patient ou agression d'un tissu, peut se réactiver. Et donc, il y a eu probablement une agression de cet organe qui a été le siège d'une grosse phase inflammatoire, et il y a eu des signes à la fin qui font évoquer ce qu'on appelle un syndrome de fuite capillaire, qui fait que l'organe est devenu très très congestif, très œdémacié, et donc ne pouvait plus fonctionner correctement. Et les techniques de détection qu'ils avaient utilisées pour rechercher ce virus porcin ne l'ont pas détecté. Donc il y a une discussion sur le fait que probablement il faut utiliser des techniques de détection beaucoup plus sensibles pour aller justement chercher ce virus, il va falloir se doter d'outils de diagnostic, d'abord de criblage, de sélection des donneurs qui sont vraiment négatifs pour ce virus, donc mettre en place peut-être des techniques d'isolement des petits porcelets après la naissance en situation CMV négatif, qui ne puissent pas s'infecter du virus. Et deuxièmement, avant l'intervention, aller chercher vraiment la détection quand même de ce virus pour s'assurer qu'on ne transmet pas à nouveau un organe CMV positif. Mais effectivement, au final, si ce n'est pas du rejet et si on est capable de maintenir ce rejet et si on a prouvé que dans les premières semaines, cet organe a bien fonctionné au point de redonner une ventilation, une circulation à ce patient, c'est plutôt encourageant parce que ces phénomènes-là, de virus, de phase inflammatoire, sont des choses qui sont maîtrisables, en tout cas sur lesquelles on peut avoir des pistes pour progresser. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces xénogreffes, nous y avions consacré une émission entière. On vient de vous remettre le lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. L'autorité environnementale a rendu son rapport annuel. Selon ce rapport, en France, la transition écologique n'est pas amorcée. Chaque année, ce groupe indépendant expertise la bonne prise en compte des enjeux environnementaux des projets d'aménagement, les infrastructures routières et ferroviaires, les constructions de nouveaux quartiers, etc. En 2021, l'AE a rendu 159 évaluations environnementales, 91 projets et 68 plans et programmes. Son bilan est sévère et alarmiste. Les émissions de gaz à effet de serre, la gestion précautionneuse de l'eau ou encore la sobriété énergétique, peu de projets prennent en compte les impacts sur le climat ou la biodiversité. L'AE observe même un recul du droit français de l'environnement avec de nombreuses dérogations. Face aux défis posés par la crise environnementale, je cite, il y a urgence à accélérer la transition écologique. Aux États-Unis, le Centre de prévention et de lutte contre les maladies ouvre une enquête sur l'hépatite infantile d'origine inconnue. Plus de 200 cas ont été repérés dans 11 pays. Et aux États-Unis, cette nouvelle hépatite a touché 109 enfants et causé 5 décès. Le CDC mène donc l'enquête dans 25 États américains pour découvrir la cause de cette inflammation aiguë du foie qui touche les jeunes enfants. L'âge médian est de 2 ans. Plus de 90% des enfants ont été hospitalisés et 14% ont nécessité des greffes de foie. Alors comme la moitié de ces enfants étaient positifs à l'adénovirus de type 41, il s'agit de la piste privilégiée, mais l'infection au Covid-19 ou encore la piste toxicologique ne sont pas écartées. Et enfin, une équipe de la NASA a capté les ondes acoustiques d'un trou noir. Cette équipe qui travaille avec le télescope spatial Chandra cherche à sonifier le cosmos, c'est-à-dire à rendre audibles pour l'oreille humaine des phénomènes sonores. En 2003, les chercheurs étudiaient le trou noir au centre d'un amas de galaxies dans la constellation de Persée, à 250 millions d'années-lumière. Ils ont détecté, à l'intérieur du gaz très chaud qui entoure le trou noir, des ondes acoustiques qui ont donc été transposées en fréquence audio. Je vous laisse apprécier le chant d'un trou noir. Voilà, un trou noir qui chante, c'est donc un long gémissement équivalent à un si bémol à environ 57 octaves en dessous du do moyen. Et si vous l'écoutez avant de dormir, vous faites des cauchemars, assurés. Merci. Bonne nuit. Beaucoup, Natacha. Et puis, on rappelle que jeudi, grosse annonce de la part de l'ESO, certainement, à propos du trou noir supermassif de notre Voie lactée. Et on vous tient, bien évidemment, au courant quasiment en temps réel, en direct, dans un journal des sciences spécial. Ce sera jeudi. Mais d'ici là, on vous retrouve demain, Natacha, pour le prochain journal des sciences. La publication date du mois dernier dans la revue The Lancet sous le titre « Angiographie CT coronarienne basée sur l'apprentissage profond pour la quantification de la plaque et de la sténose et la prédiction du risque cardiaque, une étude multicentrique internationale ». Traduit en clair, ça signifie que des chercheurs du Cedars-Sinai Medical Center, qui est l'un des plus gros hôpitaux de Los Angeles, ont réussi à développer un algorithme capable de prédire les risques d'attaque cardiaque dans les 5 ans à partir de l'analyse des dépôts dans les artères des patients. Prévoir, prévenir les maladies avant qu'elles n'adviennent, c'est l'ambition de la médecine prédictive. C'est à la une de notre partenaire, le magazine de l'Inserm, Santé numérique, peut-on tout prédire? Et c'est également ce que raconte notre archive du jour. De l'avis des scientifiques et des chercheurs, une révolution est en cours dans le monde médical. La médecine prédictive. Nous sommes aujourd'hui capables de connaître les risques de développer une maladie au cours de sa vie, alors même que nous sommes en bonne santé. c'est possible grâce à un test génétique, une analyse de son ADN par une simple prise de sang. Plus de 500 000 Français y ont eu recours ces trois dernières années. Lire l'avenir dans nos gènes, comment est-ce possible? Quelle utilité? Y a-t-il des risques de dérive? Ces tests génétiques ont sauvé la vie de cette mère de deux enfants. En 2014, Marion Vendrome développe un cancer du sein à 36 ans. J'ai voulu comprendre parce que c'est vrai qu'un cancer à 36 ans, un cancer du sein, c'est quand même pas courant. Après un test, elle découvre que le gène responsable vient de son père. Mais surtout, elle apprend qu'elle risque aussi de développer un cancer des ovaires, très souvent mortel. J'ai choisi la solution radicale. Je me suis fait enlever les seins et les ovaires pour avoir des chances de vivre, quoi. Voilà, tout simplement. Si j'avais pas connu l'existence de ce gène, si je m'étais pas fait enlever les ovaires, j'aurais certainement eu un cancer des ovaires entre 40 et... Voilà. Donc oui, moi, ce test m'a sauvé la vie, à mes yeux. Actuellement, les conditions sont très précises pour pouvoir faire un test génétique. Il faut que trois membres de la famille aient été atteints du même cancer ou l'avoir développé jeune. Des conditions trop strictes selon ce professeur. Il voudrait que ce test soit prescrit à plus de femmes qui n'ont pas forcément d'antécédents familiaux. Car aujourd'hui, une femme sur 300 a une prédisposition génétique pour un cancer des ovaires. Voilà, extrait du journal de 20h de France 2, il y a 4 ans, 2018. Une réaction à ce reportage, Marie-Christine Jolland ? Oui, je pense qu'on voit bien là un exemple où la médecine prédictive, comme vous l'avez introduit tout à l'heure, peut apporter beaucoup de choses pour les patients. Après, comme vous l'expliquez aussi, il faut raison garder sur les dérives potentielles que ça peut amener et prendre des décisions vraiment très très éclairées, hein, parce que c'est pas une prédiction de la maladie, c'est une prédiction du risque de la maladie. Oui, on peut peut-être faire un point et tout de suite, Xavier Tanier, la médecine prédictive, ça n'est pas dire du jour au lendemain, on peut absolument prévoir tout ce qui va arriver à tel patient donné juste en analysant son génome ou en faisant une prise de sang. C'est encore dans des cas bien spécifiques, avec des facteurs de risque spécifiques. Vous pouvez peut-être nous donner un peu une description plus précise de ce que l'on entend par médecine prédictive? Oui, tout à fait. C'est une médecine qui utilise la prédiction. Alors, ça peut être en guise de prévention, c'est-à-dire d'estimer le risque d'une certaine maladie. Ça peut être aussi, une fois qu'une maladie s'est déclarée, d'estimer le risque de décès ou de gravité en tout cas. Et on parle de médecine prédictive, on parle de médecine personnalisée. La différence, elle est quand même assez importante parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a prédit un risque. Cette personne, bon, probablement, ça lui a sauvé la vie, effectivement, mais en se basant toujours sur un risque. Pas si personnalisé que ça, c'est-à-dire qu'en fonction d'un certain nombre de paramètres, statistiquement, le risque était probablement très élevé pour cette personne. Il faut aussi faire attention aux personnes qui auront peut-être été inquiétées, voire traumatisées par une annonce d'un risque très élevé, qui ont peut-être fait des opérations de ce style-là et peut-être malheureusement pour rien, alors qu'il leur serait rien arrivé. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il faut raison garder, comme Marie-Christine l'a dit, il faut tenir compte du fait que c'est pas une personnalisation à la carte sur une patiente. Yann Gordier. Mais justement, qu'est-ce qu'on appelle un risque et comment on l'estime exactement, ce risque? Alors, la plupart du temps, c'est des risques statistiques basés sur des probabilités. Alors, les probabilités, la statistique, t'es utilisée en médecine depuis fort longtemps. Hein, depuis, je pense, on peut dire la fin du XVIIIe siècle. Chaptal. Voilà, Chaptal, Bernoulli avait commencé à prédire le risque du décès avec la variole. Et d'ailleurs, déjà, ce problème se posait parce que Bernoulli avait des belles courbes en fonction de l'âge de l'inoculation de la variole. Quel est le risque de décès? Et puis on lui disait, bah oui, mais vous faites des moyennes alors que vous appliquez des moyennes à des personnes. Et on en est toujours un petit peu là, même si on sait faire de plus en plus précis, mais ça reste des probabilités, des statistiques, quoi. Marie-Christine Jolland, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'usage de la statistique avec maintenant des outils informatiques qui sont développés, qui nous permettent de traiter beaucoup plus de données, donc d'avoir finalement des résultats plus significatifs, adaptés aux risques individuels. Alors oui, c'est aussi les méthodes, parce que comme vous le dites, ce qui fait la différence des travaux qui avaient eu lieu dans le passé, c'est effectivement l'accès à un très très grand nombre de données, et pour faire des analyses statistiques, souvent on collecte des données pour faire des analyses très précises, pour une raison très précise. On peut aller au-delà de ces méthodes-là en utilisant l'intelligence artificielle et qui s'applique beaucoup plus facilement sur un très très grand nombre de données qui sont parfois plus hétérogènes, qui viennent un peu de partout. Et ce type de nouvelles méthodes permettent de faire aussi de la statistique quant à décrire des risques ou des facteurs de risque. Voilà. Et je dirais aussi par rapport à cette notion, le risque il est calculé depuis fort longtemps sur des approches statistiques, on peut améliorer avec de l'IA, mais ce sur quoi on peut agir aussi avec de l'IA, c'est sur la réduction de ces facteurs de risque et la prise en charge par les patients de la réduction de ces facteurs de risque, et ça rentre dans le cadre de la médecine, je dirais plutôt préventive. Alors, on va faire le distinguo entre médecine préventive et médecine prédictive, mais ce qui est intéressant peut-être pour poser le cadre de notre discussion pendant cette heure, c'est effectivement imaginer, comme on voit avec l'étude publiée par le Cedar Sinai Medical Center, la perspective de dire qu'on peut anticiper l'arrivée d'une pathologie plus ou moins sévère et donc réduire de manière incroyable non seulement la mortalité mais aussi les coûts engendrés par la prise en charge hospitalière. C'est effectivement un basculement dans une médecine qui n'est pas encore aujourd'hui tout à fait la façon dont on pratique la médecine, qui est une médecine curative traditionnelle. Oui, voilà, et c'est une médecine curative aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que, dans un premier temps, un des impacts essentiels de ce type de nouvelles approches de médecine prédictive, c'est sur les actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour aider les personnes à réduire leur risque en amont de développer des maladies. Parce que finalement, ce que l'on arrive à mettre, à faire émerger comme connaissances aujourd'hui, c'est quand même des connaissances populationnelle, et comme l'a très bien dit Xavier tout à l'heure, ces connaissances de ce qui sont les facteurs prédictifs d'une maladie ne sont en général pas personnalisées. Mmh. Xavier Tanier, sur cette perspective d'une nouvelle médecine, c'est encore pour le moment relativement lointain, on n'est pas encore arrivé au stade où on peut dire à la naissance d'un individu, voilà, tu risques d'avoir telle maladie, donc on va traiter ça préventivement pour être sûr que tu peux pas déclares pas. Oui, tout à fait, et même pour aller plus loin, si on reprend cet article du Lancet Digital Health, c'est effectivement ce qu'il a de vraiment plus que les autres, c'est son aspect multicentrique, c'est-à-dire que ce qui a été très difficile probablement à accomplir d'ailleurs, il y a vraiment des données venues de beaucoup d'endroits, et donc plus c'est multicentrique et plus ça augmente la chance de généraliser correctement, et ça réduit le risque d'être très précisément sur une population et de ne pas savoir s'adapter à la population d'à côté. Par contre, ce qu'ils disent très bien dans l'article, d'ailleurs, dans la discussion, c'est que il y a un potentiel pour une application en routine. Et en fait, entre avoir des systèmes qui ont des bons résultats dans un, on va dire, un jeu de données de laboratoire et une application en routine, il y a vraiment encore un long chemin à parcourir. Il y en a qui sont appliqués en routine, mais on a encore beaucoup de chemin à parcourir. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc de médecine prédictive tout au long de cette heure avec nos deux invités, Marie-Christine Jolland, Xavier Tanier, une émission en partenariat avec le magazine de l'INSERM qui consacre son numéro du mois de mai à cette question, santé numérique, peut-on tout prédire ? On l'évoquait à l'instant, médecine prédictive, médecine préventive, ça se superpose, ce sont deux pratiques différentes. Comment est-ce qu'on voit la différence entre les deux, Marie-Christine Jolland ? Ben pour moi, la différence entre les deux, c'est aussi une question de sémantique. Hein. La médecine prédictive, elle est née avec la combinaison des données génétiques avec des données cliniques. La médecine préventive, ça a aussi le même objectif, qui est de ne pas rentrer dans une maladie, mais en influant sur les facteurs de risque de cette maladie qui ne sont plutôt comportementaux, peut-être que génétiques. Mmh. Mais il y a une différence sémantique pour moi entre les deux qui est réelle, mais l'objectif est le même, hein, c'est d'éviter la survenue de maladies ou la récidive ou l'aggravation. Mmh. Xavier Tanier. Oui, voilà, c'est ça. On peut prédire aussi pour d'autres raisons que de la prévention pure et dure. On peut prédire pour essayer de sélectionner des populations de patients qui ont certaines caractéristiques, par exemple pour les inclure dans un essai clinique, on peut imaginer, ou des choses comme ça. Il y a aussi de la prédiction qui sert à autre chose qu'à faire de la prévention. Alors si on parle concrètement, cette médecine prédictive, elle se développe véritablement depuis la fin des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et l'apparition d'intelligence artificielle de plus en plus sophistiquée. On parle de deux approches que vous allez peut-être pouvoir nous expliquer, Marie-Christine Jolan. On parle d'une approche complémentaire entre l'approche symbolique et l'approche numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce sont deux approches qui ont toujours existé au sein de l'IA, qui a commencé dans les années 60. Hein. L'approche symbolique, c'est une approche qui s'appuie plus sur des connaissances qui sont avérées, qui sont déjà acquises, qui sont déjà prouvées, mais qui sont dans la tête des experts, qui sont dans les textes, dans les guides de bonne pratique, dans les bouquins de cours, etc. Par exemple ? Alors, par exemple, ça va être par exemple, les guides de bonne pratique, ça va être des guides qui disent aux médecins, dans telle situation, vous êtes en présence de tel diagnostic, dans telle situation, vous devez donner tel médicament plutôt que tel autre. Donc, ce sont des connaissances, je dirais, opérationnelles sur, j'ai une règle de décision que j'ai apprise, parce que j'ai étudié la médecine, et je vais l'appliquer lorsque je vais avoir des données qui correspondent à ça. Un exemple très simple, parce que c'est une règle de décision qui est très simple, c'est si j'observe le signe de Koppling, alors j'ai la rougeole. Si j'ai un patient qui a le signe de Koppling, alors je vais en déduire que j'ai la rougeole. Et toutes les techniques d'IA symboliques vont consister à rendre cette connaissance avérée qui n'est pas exploitable directement par un algorithme, qu'il faut transformer dans un langage que comprend la machine. Et en particulier, donc, les outils de traitement automatique des langues, qui font partie des techniques IA, sont utilisés pour aller fouiller dans les textes, pour extraire ces règles de décision. Ou dans les guides de bonne pratique, on va essayer d'utiliser des approches d'acquisition de connaissances pour faire des arbres de décision qui soient déterministes, qu'une machine va pouvoir utiliser pour faire un système d'aide à la décision. Voilà, donc c'est là, ça, là on c'est parle, symbolique. Voilà, on parle d'aide à la décision, c'est-à-dire la lecture d'un certain nombre de données qui vont permettre d'identifier de manière plus fine que ne le ferait un regard humain. Tel ou tel type de risque par rapport à tel ou tel jeu de données. C'est pas tellement que ce soit plus fin, c'est que le médecin, lorsqu'il a un patient devant lui, il n'a pas forcément accès à tous ces arbres de décision qui sont dans du texte. Il faut qu'il les lise, et le fait de les avoir mis dans un système d'aide à la décision, je dirais que c'est comme l'ouvrir le bon livre à la bonne page pour trouver la bonne connaissance qu'il va utiliser. Ça, c'est l'aspect symbolique. Finalement, c'est vraiment de l'aide à la décision. C'est pour faciliter la décision et la rendre plus rapide, finalement. Alors oui, lorsque l'on réutilise ces connaissances donc formelles dans des systèmes d'aide à la décision, c'est pour faire de l'assistance, effectivement. Oui. Parce que lorsque je vous ai parlé de cette règle de décision, qui est si j'observe le signe de Koppling, alors j'ai la rougeole, l'algorithme ne sait absolument pas ce que c'est qu'une rougeole, ne sait absolument pas ce que c'est qu'un signe de Koppling. Donc c'est vraiment qu'une assistance. Il n'y a pas d'interprétation par la machine de la connaissance, mais simplement une formalisation qui permet de l'utiliser dans un système déductif d'aide à la décision. Donc ça, c'est pour l'approche symbolique. Xavier Tanier, qu'est-ce que en regard, on appelle l'approche numérique ? Alors l'approche numérique, c'est qu'on part de la donnée, c'est-à-dire qu'on prend des grandes quantités de données. Alors pour prendre un exemple, par exemple, au sein de l'entrepôt de données de santé de la PHP, il y a 11 millions de patients, il y a des dizaines de millions de comptes rendus, donc on peut dire à peu de choses près que tout est arrivé et que ça peut émerger, c'est-à-dire qu'à partir de constats qui ont été faits sur des maladies, sur des résultats de traitement et de toutes les données qu'on a, on va pouvoir faire émerger de la connaissance ou en tout cas faire émerger des prédictions sans passer par la case connaissance d'une certaine façon et donc on va pouvoir fonctionner comme ça sans avoir à absorber les connaissances humaines. Après, ce qui est, je pense, clair dans la santé, c'est peut-être d'ailleurs une des choses qui font que tout ça va moins vite en santé que dans d'autres domaines, c'est que ça paraît évident que ce qu'il faut, c'est hybrider ces deux choses-là, qu'il faut avoir de la connaissance des experts d'un côté, que céder de la donnée qu'on a, c'est une évidence aussi, et que donc il faut avoir des systèmes hybrides. Marie-Christine Jolan. Oui, et je rajouterai aussi que ces systèmes ne seront, acceptés par les gens qui vont les utiliser que si on est capable de comprendre un peu ce qu'ils font, et que c'est le problème de l'approche numérique, c'est de ne pas forcément être très explicatif dans les conclusions qu'ils font, et c'est vrai que là, la connaissance a priori peut être intéressante. Inversement, dans le symbolique, ça prend énormément de temps de formaliser ces connaissances, et donc et elles évoluent tout le temps, donc c'est la principale difficulté des approches symboliques. Alors, je vous propose, pour bien comprendre tout ça, pour bien comprendre comment cela fonctionne, l'aide à la décision, l'approche numérique de traitement des mégadonnées ou du big data, on va aller bien se rendre compte concrètement de la façon dont ça se passe, notamment en oncologie et dans la lutte contre le cancer du sein. Bonjour Luc Dutoit. Bonjour Nicolas. Vous êtes rendu à l'Institut Gustave Roussy qui analyse donc des mégadonnées, du big data, pour prévenir les rechutes. Exactement. Je suis allé à la rencontre du docteur Magali Lacroix-Triqui, pathologiste à l'Institut Gustave Roussy et spécialiste dans le cancer du sein. Le centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy possède des archives avec des milliers de lames histologiques issues de biopsies mammaires. Une telle quantité de données a pu être utilisée par une intelligence artificielle développée par la start-up Hawkin et à laquelle il est confié la tâche de donner une probabilité de rechute métastatique. Cette information est une aide précieuse pour les professionnels de santé qui doivent choisir, en fonction de la patiente, quel est le traitement le plus adapté entre l'hormonothérapie et la chimiothérapie. Donc en fait, notre projet a débuté ici, dans ces archives qui sont faramineuses, avec toutes ces lames qui sont colorées et qui sont conservées. Et on avait donc une cohorte, une série de cas de cancer du sein diagnostiqués entre les années 2005 et 2012-2013, pour lesquels on avait constitué une grosse collection de lames avec le projet de développer une étude utilisant de l'intelligence artificielle pour nous aider à prédire le risque de rechute. D'accord. Et vous observez et analysez des lames déjà au microscope. C'est dans quelle situation finalement que l'IA va pouvoir vous aider ou être un complément à votre travail ? Donc effectivement, je regarde les lames de verre au microscope et en fonction des caractéristiques que j'observe, on arrive à caractériser le cancer du sein, parce qu'en fait le cancer du sein, il n'y a pas un cancer du sein, c'est une maladie éminemment hétérogène. Il y a des cancers du sein qui sont agressifs, il y a des cancers du sein qui sont pas du tout agressifs, et puis il y a de l'entre-deux. Pour essayer d'avancer dans cette zone grise, ce qu'on utilise à l'heure actuelle en routine, ce sont ce qu'on appelle des signatures moléculaires, de la biologie moléculaire, qui est une technique qui est effectuée aux États-Unis. Donc ça a un coût, c'est assez long, et ces signatures moléculaires, c'est ce qui est utilisé à l'heure actuelle dans la zone grise pour essayer de mieux guider l'oncologue pour la décision ou pas de faire une chimiothérapie adjuvante. Et donc l'idée qu'on a eue avec le professeur Fabrice André, c'était de voir si l'intelligence artificielle appliquée à la simple lame que je regarde au microscope était capable de prédire ce risque de rechute métastatique. Donc c'était ça l'hypothèse de travail de notre étude. Avant de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, il faut évidemment scanner les lames. Et ici, on se retrouve dans une pièce où il y a justement un scanner de lame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne exactement ? Alors donc le scanner de lame, en fait, c'est une sorte de gros microscope avec équipé d'une caméra. C'est totalement automatisé. Moi, je vérifie simplement sur mon écran d'ordinateur. Je regarde à nouveau la lame digitale pour vérifier la qualité de cette lame. Et une fois que je la juge de bonne qualité, je l'exporte sur un serveur indépendant sur lequel l'algorithme d'intelligence artificielle va pouvoir travailler pour calculer ce score de risque. D'accord. Et la partie résultat, c'est ce qu'on peut aller voir du coup dans mon bureau. Dans votre bureau. Alors en fait, donc ce travail, c'est un projet collaboratif. C'est un projet qui a été monté avec la start-up Hawkin, qui a remporté un appel d'offres qui était d'ailleurs financé par la région Île-de-France. Donc c'est eux effectivement qui font le calcul d'intelligence artificielle et qui ont mis au point leur algorithme. On a travaillé ensemble pour tout au cours de la validation de notre projet. Et ensuite, ils génèrent un rapport de résultats. Donc ça me permet de voir si la patiente est plutôt classée haut risque ou bas risque. J'ai le score de risque d'intelligence artificielle qui est un chiffre numérique qui s'étalonne entre 0 et 2. Là, on voit par exemple sur l'image, c'est 0,761. Voilà, exactement. Donc cette patiente, on voit qu'elle est plutôt classée de haut risque. Ce score de risque, il est vraiment juste au-dessus de la barre du seuil. Donc elle est quand même pas très loin de la zone grise, hein, mais elle est un petit peu au-dessus. Et l'algorithme nous permet de calculer à partir du score d'intelligence artificielle une probabilité de rechute métastatique à 5 ans. Et là, on voit que pour cette patiente, la probabilité de rechute métastatique à 5 ans est de 10,7%. Et au-dessus de 10%, c'est vrai que c'est là qu'on se pose la question et qu'on va éventuellement proposer une chimiothérapie adjuvante. Et donc, à la fin du rapport, il me sélectionne des petits bouts d'images qu'on appelle des tuiles. C'est des petits segments d'images et il me montre les segments d'images qui ont été les plus importantes pour générer le risque. Donc ça c'est très intéressant d'un point de vue conceptuel, puisque moi, je peux essayer de comprendre comment l'ordinateur établit le risque. Et ça m'a permis de voir notamment qu'il faut que je regarde les cellules tumorales, mais il faut aussi regarder le micro-environnement qui tient vraiment une place importante dans la prédiction du risque, en fait. Qu'est-ce qui manque à cette intelligence artificielle pour réussir à se démocratiser plus largement et à être utilisée et se substituer peut-être en partie justement à la signature moléculaire qui coûte très cher et qui se fait aux États-Unis dont vous nous parliez au début? Donc c'est vrai que là, avec la start-up Okin, on est en phase d'essayer de développer notre outil, d'en faire un outil médical. Donc la première chose, c'est de valider nos résultats, les premiers résultats qu'on a obtenus sur 1500 patientes. Et après, c'est d'essayer de se comparer aux signatures moléculaires. Et donc là, on a plusieurs projets qui visent à comparer, en fait, patiente par patiente, les résultats de l'algorithme d'intelligence artificielle avec la signature moléculaire. Voilà, ces travaux de médecine prédictive sur la lutte contre la récidive de cancer du sein à l'Institut Gustave Roussy. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Marie-Christine Jolin. Moi, je pense qu'il est très important de pouvoir utiliser ces systèmes s'ils s'avèrent efficaces, parce que lorsque l'on est suivi pour une pathologie comme celle-là, on n'a pas l'occasion de voir le médecin tous les jours et de pouvoir avoir des outils qui permettent de pouvoir calculer de façon assez simple par exemple le risque d'une rechute pour par exemple pouvoir soit avancer un rendez-vous, soit le laisser à la place où il est, ça peut permettre d'avoir un impact sur la santé des gens et cette médecine prédictive qui va éviter des rechutes quand on peut le faire en avance de phase par rapport à un rendez-vous médical. Xavier Tanier. Et puis une autre chose vraiment très importante qu'elle a dite, c'est que à la fin, le système il lui donne un score et il lui donne des images de ce qui ont donné ce score. Donc on a une intelligence artificielle, on peut appeler ça comme ça parce que c'est comme ça qu'on appelle, mais en fait on a une intelligence humaine qui a été assistée par un algorithme, et je pense pas qu'elle aurait fait confiance au score si l'algorithme lui avait pas montré les images qui lui ont laissé penser, entre guillemets, que ce score était pertinent. Et ça, c'est vraiment très très important. Je pense que tout ça doit être conçu, doit être prévu dans la conception de ces outils. C'est montrer à la fin une raison, une explication ou un exemple qui montre à l'expert humain qui va lui prendre sa décision finale la raison de la prédiction. Bien sûr, la justification. Yann Cornille. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre ce que l'intelligence artificielle fait en fait avec les données pour que ce soit parfaitement transparent et donc prendre la bonne décision. Mais j'ai envie de dire, là, c'est transparent pour le chercheur, mais pour le patient, lui, comment on fait pour lui expliquer comment a été calculé son risque, sachant que le score, pour lui, ça peut être un peu violent, finalement, le résultat. Marie-Christine Jolon. Alors, évidemment, expliquer aux patients ce qui se passe, c'est d'abord une demande des patients, hein, très souvent, mais ça a toujours été un problème qui est au-delà du problème de l'intelligence artificielle, hein, d'une manière générale. La vulgarisation des décisions qui sont prises par les médecins, du choix des thérapeutiques, c'est quelque chose qui est important et qui, on le voit, et là aussi l'IA peut apporter des choses. On peut assister les patients avec des outils alors c'est un terme anglais, je ne sais pas, mais d'empowerment. D'empouvoirement. D'empouvoirement, voilà. Responsabilisation. De responsabilisation, pour essayer de eux-mêmes... Devenir acteur. Devenir acteur et de travailler eux-mêmes sur ces facteurs de risque, d'aller chercher l'information, etc. Mais les médecins ont une connaissance qui leur permet d'interpréter les choses, les patients ne l'ont pas. Donc il y aura forcément toujours une différence. Xavier Tanier, oui, alors une autre façon de voir les choses, c'est que c'est tout ce temps qui est consacré par les médecins à faire leur diagnostic. Si ça peut être remplacé ou accéléré par un outil numérique, par exemple dans l'article dont on a parlé tout à l'heure sur les angiographies, la conclusion de l'article, c'était que la qualité, elle était comparable à celle d'un être humain, mais qu'au lieu de le faire en 30 minutes pour un humain, c'était fait en quelques secondes. Et ben les 30 minutes, peut-être que le médecin, il va les consacrer à discuter avec son patient. Oui, Marie Stengeland. Juste, mais c'est anecdotique. Il faut aussi que l'IA soit suffisamment explicatif pour que le médecin comprenne pourquoi l'IA a obtenu ce score. Mais c'est intéressant parce que ça va nous amener dans la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire de se poser la question de la substitution ou non à l'être humain, de la nécessité pour les médecins, mais aussi pour les patients, de comprendre, eh bien, comment ces intelligences artificielles fonctionnent, comment ces intelligences artificielles peuvent aider au diagnostic. Et puis avec, vous allez l'entendre, et j'imagine que vous y pensez déjà, vous qui nous écoutez, un certain nombre de questions éthiques qui se posent jusqu'à bien la place que peuvent prendre ces outils d'aide au diagnostic ou d'aide à la décision. On en parle dans quelques secondes musicales. Tira dum dum, tira dum dum, tira dum dum, tira dum dum, tira dum dum, tira dum dum, tira dum dum, tira dum dum, tira dum dum. Musique d'ordinateur de Philippe Catherine à 16h35 sur France Culture. Nous parlons d'ordinateur, de lien avec la santé et de la pratique du développement de la médecine prédictive. Nous en parlons avec Marie-Christine Jolland, qui est directrice de recherche INSERM au laboratoire d'informatique médicale et ingénierie des connaissances pour la e-santé. Xavier Tanier, professeur à Sorbonne Université, également dans ce même laboratoire. Une émission en partenariat avec le magazine de l'INSERM qui titre Santé numérique. Peut-on tout prédire dans son numéro du mois de mai? Et j'ai à mes côtés mon camarade Yann Cornillier du magazine de l'INSERM pour conduire avec moi cette émission. Peut-être peut-on passer maintenant justement à cette question autour notamment de que prédire, jusqu'où peut-on prédire, quel est l'intérêt de prédire et comment, quels sont les liens que l'on peut établir avec les patients. Je prends pour exemple notamment des outils d'intelligence artificielle qui peuvent prévoir ou en tout cas attribuer un score de risque pour des maladies qu'on ne peut pas traiter, qu'on ne peut pas soigner. Je pense notamment à la maladie d'Alzheimer. Finalement, quelles sont les limites éthiques que peuvent poser ces outils de prédiction de la santé pour un certain nombre de maladies? Jusqu'où peut-on prévoir? Est-ce qu'il est légitime d'annoncer à un patient qu'il souffre d'une maladie qui est incurable? Quelles sont les frontières? Est-ce que vous travaillez l'un et l'autre en collaboration avec des personnes qui vous aident justement à penser les limites de ce type d'outils, Marie-Christine Jolland? Alors on travaille, en tout cas, pas forcément directement avec ces gens-là, mais on a, c'est des questions qu'on se pose de toute façon énormément. Je vous dirais que l'IA, pour faire de la prédiction, elle doit se faire dans l'intérêt du patient, de la santé et de la médecine, et pas dans d'autres intérêts qui pourraient être plus, je sais pas moi, des assurances, de la politique ou autre chose. Donc, de toute façon, il y a toujours à viser cet intérêt pour le patient. Après, une fois que ça permet de faire de la prédiction et d'être dans une situation où on est à peu près sûr, quelle communication on va avoir avec le patient? Et là, c'est quelque chose que l'on doit personnaliser. Il y a des gens qui préfèrent savoir ce qu'ils ont pour pouvoir finalement être beaucoup plus serein par rapport à prendre en charge cette pathologie, et d'autres pour qui ça va générer des angoisses énormes. Donc on peut pas répondre de façon généraliste à la question de comment on communique une maladie en plus de prédite par rapport à une maladie qui est là. Avec un patient. Par contre, faire de la prédiction de maladie, c'est quelque chose qui, si c'est au service de l'intérêt du patient et de la santé, est pour moi toujours une bonne chose. Xavier Tanier, parce que ici, dans la prédiction, on n'a jamais, je parle sous votre contrôle, de prédiction avec un score à 100%, donc c'est un pourcentage de risque, hein, on n'annonce pas à quelqu'un qu'il y a 100% de chance qu'il ou elle développe cette maladie, mais qu'elle a une configuration favorable au développement de telle ou telle pathologie. Mais une fois de plus, quelles sont les limites de l'annonce que l'on peut faire, étant entendu que la personne n'est pas non plus 100% sûre de développer cette maladie? Quand il s'agit de maladies très graves ou de maladies incurables, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut annoncer, et comment vous prenez, ou comment les médecins prennent cette décision? Bon, moi je sais pas bien répondre à cette question, mais ce qui est important, c'est le médecin. Enfin, le médecin reste. Il y a pas d'intelligence artificielle qui remplace le médecin. Il y a une intelligence artificielle qui aide un médecin. Et donc finalement, cette question de l'annonce du diagnostic, elle est plus vieille et elle est pas dépendante finalement de cette question de médecine prédictive. Quand on a, par exemple, on a des scores de bénéfice-risque, de est-ce qu'il faut se faire opérer, s'il y a telle opération à tel risque, mais le risque de rechute, etc., etc. C'est des éléments statistiques aussi. Depuis bien longtemps, on met ça dans les mains des médecins qui choisissent ou pas de mettre ça dans les mains du patient. Et bon, je dis ça pour ne pas répondre à votre question parce que je sais pas bien, mais c'est au médecin. Enfin, ça reste dans les mains du médecin. Pour formuler cette question complexe de manière différente, est-ce que on peut finalement réduire la pratique de la médecine à des statistiques et finalement à des scores? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas là finalement cette aide à la décision devient plus ou moins handicapante pour le médecin qui va avoir dans son rapport à son patient? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire, parce que finalement, c'est quel est l'usage des chiffres dans la décision, mais surtout, la question que vous posez derrière, c'est de dire, est-ce que les chiffres vont remplacer les hommes? Mais pas du tout. Ce sont des... il faut vraiment qu'il y ait une éducation qui se fasse à ce niveau-là, sur le fait que c'est un outil d'assistance à la décision qui permet d'aller beaucoup plus vite, qui permet de réutiliser des données pour la recherche, des données qui sont en général stockées pour le soin, et donc d'accélérer l'innovation en santé. Donc d'accélérer la découverte de nouvelles connaissances et d'embarquer ces connaissances, qu'elles soient découvertes dans les données ou qu'elles soient formalisées, hein, symboliques, numériques, de les opérationnaliser dans des systèmes d'aide à la décision qui vont venir assister le médecin. Je suis d'accord avec Xavier. Et au bout du compte, le premier problème éthique qui se pose, c'est que il faut garder son libre arbitre quand on est le décideur. Ce n'est pas une machine qui peut décider. Et si on la laisse décider, c'est qu'on est soit d'accord avec ce qu'elle dit, soit on ne sait pas, c'est peut-être là qu'il peut y avoir un problème, mais en tout cas aujourd'hui, l'IA ne peut pas remplacer la décision médicale, et ce chiffre n'est là que pour indiquer le résultat d'un calcul qui a été fait sur des données et qui oriente vers une décision plutôt qu'une autre. Moi, ce que j'ai aussi envie d'ajouter par rapport à ce que la question de l'éthique, je pense qu'il faut essayer aussi d'aller vers l'usage de ces outils pour éduquer le patient sur ses propres facteurs de risque. Je pense que c'est quand même assez important pour faire de savoir quel type de facteurs de risque peuvent prédire les maladies et de pouvoir effectivement apporter non pas uniquement aux médecins des outils d'aide à la décision, mais aussi aux patients des outils d'aide à la décision, des actions que lui peut mettre, qu'il peut mettre en place pour réduire les risques de développer certaines maladies. Mmh. Ça fera partie de la médecine prédictive, ça. Oui, c'est vrai qu'on voit apparaître certaines applications ou des logiciels qui sont là pour accompagner le patient dans sa prise en charge, justement dans ce qu'on disait, l'empowerment et la responsabilisation. Ça, du coup, on est en dehors, enfin, on est dans la médecine préventive finalement. On est dans l'accompagnement, on est dans du coaching, on est dans une sorte de médecine virtuelle. Qui peut d'ailleurs servir la médecine prédictive, parce que si les gens prennent en charge leurs facteurs de risque, ils vont aussi collecter des données sur eux-mêmes, qui vont être peut-être venir enrichir des cohortes ou des registres déjà existants, et qui vont peut-être aider à découvrir de nouvelles connaissances en utilisant des algorithmes d'IA. On fait ça, il y a de très très vieilles cohortes en France, hein, comme la cohorte Gazelle, des gens qui étaient chez EDF, où on peut aller fouiller avec ces algorithmes d'IA dans les données que ces gens ont remplies via des questionnaires sur des années, pour essayer d'avoir de nouvelles connaissances. Mais c'est parce que les gens se suivent, c'est parce que les gens ont répondu à des questionnaires. Donc, plus les gens prendront en charge leurs facteurs de risque, ceux qui sont comportementaux et sur lesquels ils peuvent agir, s'ils le veulent, bien sûr, hein, à partir de ce moment-là, on aura encore plus de données pour pouvoir faire de l'innovation pour la médecine préventive. Je sais pas si vous me suivez. Si, tout à fait. L'autre question, parce qu'il y a évidemment un certain nombre de questions éthiques, on a bien compris que ces intelligences artificielles n'étaient pas là pour se substituer au médecin, mais pour l'accompagner, pour lui faire gagner du temps le cas échéant. La question qui se pose aussi, c'est que se passe-t-il en cas d'erreur ? Que se passe-t-il, Xavier Tanier, si à un moment donné, l'intelligence artificielle qui n'est pas infaillible se trompe et que conduit bien justement à une mauvaise prédiction, qui est responsable? je ne vous pose que des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Oui, voilà. À ma connaissance, le champ est ouvert pour résoudre cette question, tout comme on se pose cette question pour les véhicules autonomes, tout comme on se pose cette question sur un certain nombre de. À ma connaissance, pour l'instant, la personne responsable, c'est la personne humaine qui a pris la décision et pas autre chose. Comment ce sera dans l'avenir si on commence à laisser dans les mains de la machine des décisions un peu trop importantes? Je pense que la solution la plus sage serait de ne pas laisser dans les mains de la machine des décisions trop importantes, mais pour l'instant c'est l'humain. Et aussi peut-être d'éduquer les gens, parce qu'en fait on s'aperçoit, et ça a toujours été le cas dans l'intelligence artificielle, hein, même dans les années 80 quand on faisait des systèmes experts, finalement la connaissance ou qui est découverte ou qui est intégrée, elle est celle qui provient des données, et elle est évolutive. Donc il y a quand on est très très expert d'un domaine, on n'a pas forcément besoin de ces systèmes d'assistance. Quand on est jeune interne et que on va finalement avoir plus tendance à écouter ces systèmes, et c'est là qu'il peut y avoir un problème éthique où, parce qu'on n'est pas sûr de soi, on va finalement penser que la machine est experte. Mmh. Et c'est là qu'il peut y avoir un problème. Donc, encore une fois, il faut qu'avec la mise en place de ces outils dans la routine, il y ait de l'éducation qui soit faite. Oui, on en revient toujours au fait de dire que l'intelligence artificielle est un outil, c'est une machine, et que la décision, elle appartient à l'humain, et que l'humain, il doit être formé, parce que j'imagine que les internes, on en parle, il faut qu'il se forme, qu'il l'applique en routine, et pour ensuite pouvoir prendre les décisions le mieux possible. Et puis, de toute façon, si le médecin n'a pas la réponse, il a aussi d'autres collaborateurs, et peut aussi envoyer un patient vers quelqu'un de plus expert que lui sur la décision à prendre. Donc de toute façon, la responsabilité, en théorie, elle est uniquement reposant sur l'humain. Ce qui est intéressant aujourd'hui de constater, c'est qu'effectivement, et on le voit bien dans tous ces articles qui sont extrêmement intéressants, où on démontre que des algorithmes d'apprentissage obtiennent des résultats très performants. Ils font mieux que l'homme et ils le font sans se fatiguer jour et nuit à n'importe quel moment. Par contre, ils font des erreurs que l'homme ne fait pas. Et c'est ça la question éthique qui peut se poser, et elle est souvent liée à la connaissance qu'a embarqué le système en fait. Surtout sur des algorithmes d'IA où on apprend à partir d'exemples. Si les exemples n'étaient pas représentatifs de tout ce qui peut exister, alors la machine, elle va apprendre que sur un sous-ensemble d'exemples, elle va pas pouvoir. Elle a des angles morts importants. Et il y a des angles morts qui sont importants. On peut pas aussi, alors peut-être un peu plus maintenant avec des approches non supervisées, mais on ne peut pas aussi avec une IA supervisée trouver des choses nouvelles quand une maladie rare se sépare en deux. Et ben en fait, pour l'aide de diagnostic, il ne marchera plus parce que lui, il aura toujours les connaissances qu'on lui a données au moment où on l'a construit. Oui, ce qui veut dire que l'intelligence artificielle ne remplace pas le cerveau humain et donc l'intelligence humaine. Il ne faut pas croire qu'on arrivera à copier l'intelligence humaine finalement. Il y a autre chose dont j'aimerais que nous parlions avant la fin de cette émission tout de même, parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, qui est à la fois intéressant et en même temps assez vertigineux. C'est la question des jumeaux numériques, Xavier Tani. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment c'est utilisé aujourd'hui? Alors le jumeau numérique, de façon générale, l'idée c'est d'avoir un modèle idéalement du patient entier, mais plus raisonnablement d'une partie du corps ou d'un organe, d'avoir un modèle numérique sur lequel on pourrait tester des choses sans avoir à les tester sur l'humain réellement. Donc on pourrait tester des traitements, on pourrait tester plusieurs lignes de traitement et voir quelles seraient les réactions, en se disant que si le modèle est bien fait, le traitement qui a fonctionné sur le modèle fonctionnera sur le modèle réel, sur l'humain. Et donc ça, là où on en est actuellement, c'est justement au niveau de la modélisation d'un organe, d'une maladie particulière. Donc on n'en est pas aux jumeaux numériques vraiment entier, mais effectivement, c'est des choses qui sont très, très prometteuses. Concrètement, là aujourd'hui, sur quel type d'organe on arrive à créer des doubles? Quels sont les types de traitements qu'on peut justement essayer? Et à quel point ces jumeaux ou ces doubles numériques d'organes sont développés? Alors, il y a plusieurs choses qui sont faites. Alors, on peut modéliser un organe particulier. On peut aussi imaginer ça au niveau du sang, par exemple. Mm-hmm. On peut imaginer une sorte de jumeau sanguin sur lesquels on fait des études diverses. Il y a des exemples dans le magazine, effectivement. Je pense que j'ai pas en tête. Sur le cœur, la modélisation. Un mot peut-être là-dessus sur les jumeaux numériques et sur jusqu'où on peut aller et quels sont encore une fois les quelques angles morts, parce que on l'a entendu dans le reportage au tout début, on s'est imaginé que en analysant le code génétique on pouvait prévoir toutes les maladies qui arriveraient jusqu'à la fin de la vie. Or on sait que aujourd'hui c'est bien différent de cela, c'est beaucoup plus complexe, et notamment depuis que l'on comprend mieux les problèmes liés à l'épigénétique, c'est-à-dire que le génome ne fait pas tout. Voilà, c'est exactement ça. En fait, effectivement, on va avoir la même réaction qu'avec la génétique, avec le jumeau numérique, parce que il a les mêmes caractéristiques que nous en tant que personnes, mais qui vivons quand même dans un environnement, qui vivons avec des relations sociales, etc., etc., qui va modifier notre réaction, qui va intervenir dans notre réaction à un traitement, par exemple. Alors, effectivement, le jumeau numérique va être très utile, et je crois que c'est dans ces types d'applications qu'il est développé, pour faire de la pharmacogénétique plutôt, okay. C'est-à-dire d'aller voir comment l'organisme va évoluer lors de la prise de ce traitement. Mais c'est sans tenir compte de tout ce qui va se passer pour cette personne dans sa vie, autour d'elle, et ça on ne peut pas le modéliser complètement, ou alors vraiment c'est Enfin, je pense pas qu'on y soit. Le moment, on n'y est pas. Qui vaut mieux peut-être pas, d'ailleurs. On arrive vers la fin de cette émission. Peut-être la question qu'on peut se poser aujourd'hui, compte tenu de l'évolution, vous l'évoquiez tout à l'heure, Xavier Tanier, c'est l'idée que chacun est un jumeau numérique, qu'on puisse vérifier, évidemment, pour un certain nombre de pathologies relativement graves, quel type de traitement est le plus adapté, réagit le mieux, etc. On en est encore relativement loin, mais jusqu'où penser les limites finalement de la médecine prédictive? Est-ce qu'on peut imaginer un futur à moyen ou à long terme où bien finalement plus personne ne tombe malade parce qu'on anticipe toute forme de pathologie? Comment est-ce que vous... Quelles sont les limites finalement de l'exercice? Non, je pense pas qu'on puisse en arriver là. Prédire des choses ne veut pas forcément dire déjà être capable de les prévenir, quoi qu'il arrive. Donc ça, je pense qu'on aura toujours, et puis on le constate, hein, on aura toujours malheureusement un temps de retard sur des nouvelles maladies ou des maladies existantes qui sont extrêmement compliquées. Je pense que il faut être un petit peu terre à terre de ce point de vue-là, c'est-à-dire faire des systèmes progressivement qui nous permettent effectivement de gagner du temps, qui nous permettent de modéliser des choses et de pouvoir faire des tests in silico comme dans le cas du jumeau numérique. Mais le fantasme de l'intelligence artificielle, en fait, si on n'avait pas appelé ça intelligence artificielle, on se poserait des questions un peu plus sereinement et on réfléchirait juste en termes de qu'est-ce qu'on peut faire qui aide à un instant T. Et je pense que il faut qu'on en reste là, quoi. Et effectivement, le futur, à mon avis, n'est pas à prévenir tout et à être capable de soit de guérir, soit d'empêcher les maladies, parce qu'on aura toujours un temps de retard de ce point de vue-là. Pour poser la question différemment, Marie-Christine Jolland, quelles sont les limites inhérentes finalement à cette médecine prédictive ? Inhérentes ? La limite, ça va être l'absence de calcul, on l'a, mais peut-être de l'accès aux données pour pouvoir éventuellement appliquer ces algorithmes de façon la plus efficace possible, parce que le problème de la donnée qui est au centre de tout cela n'est pas facile, parce que les données, elles sont pas toujours de bonne qualité, elles sont collectées pour des usages bien précis, les réutiliser nécessite qu'on consente à les réutiliser, il y a tout un des problèmes éthiques aussi qui se posent. On sait bien qu'on est particulièrement vigilant en France, justement, à l'utilisation des données de santé, beaucoup plus que dans d'autres pays, par ailleurs. Oui. En France, on est particulièrement vigilant de ça. Mais il y a aussi, là encore, je suis un peu peut-être obsédé par ça, mais il y a un point éducatif quand même assez important. Parce que quand on collecte des données de santé à l'hôpital ou chez son généraliste, on a une confidentialité qui est assez évidente, qui est promise. Mais quand on collecte des données de santé sur les réseaux sociaux ou via les objets connectés, on n'est pas toujours très conscient de ce qui se passe avec nos données avant que nous on les utilise sur notre smartphone, elles font trois fois le tour de la Terre en passant par Google, Apple et compagnie. Donc là aussi, il y a un problème d'éducation à faire. Santé numérique, peut-on tout prédire? C'est la une du magazine de l'Inserm. Yann, vous pouvez peut-être nous dire un mot de ce qu'il y a dans le contenu du magazine et ce qu'on peut trouver pour compléter l'écoute de cette émission. Écoutez, oui, vous pourrez faire un peu un tour d'horizon des recherches, justement, et des applications concrètes en santé numérique dans notre prochain numéro. Et juste pour vous rappeler que tout un chacun peut s'abonner au magazine gratuitement. Donc, c'est un magazine public et institutionnel. Et puis, juste vous découvrirez aussi la couverture qui a été réalisée par une intelligence artificielle. Avec très belle, quelques mots clés de santé. Donc bon, le résultat, je le laisse à l'appréciation de chacun. Ah si, moi je trouve ça assez réussi. En tout cas, on vous met le lien vers ce nouveau numéro du magazine de l'Inserm. Et si vous souhaitez vous abonner en ligne, tout ça c'est sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marie-Christine Jolland, merci Xavier Tanier, merci Yann Cornillier. La méthode scientifique, c'est Loïc Dutoit, Eve Etienne, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique, et comme toujours, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur le site franceculture.fr, et ce à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.